no meu peito, sem direito, me traiu sem ter razão. Mas um dei atrás do que planejei. Quando vi ele e ela, frente a frente no salão. Tanto boteco na cidade, porque fui logo naquele que a traição tinha rolado. Je vous disais au début de l'émission, voilà, aujourd'hui il y a une petite surprise, voilà, je ne serai pas tout seul pour faire l'émission. J'ai une voix qui est très connue pour les auditeurs, une très personne connu, que vous allez voir, quand il va parler, vous allez le reconnaître. Donc il me dit tout le temps, Manu, tu sais, quand tu passes à l'antenne, tu ne parles pas beaucoup, il est toujours en train de se plaindre. Alors je lui dis, aujourd'hui tu vas faire l'émission avec moi, et lui il va parler pour moi. Non, donc non. Voilà, vous allez entendre sa voix tout à l'heure et vous allez le reconnaître. Que seja a razão para termos a vontade de estar. C'était Alexandre Fally à Campion. Et donc, comme je vous avais dit tout à l'heure, voilà, mon invité, mon coéquipier pour cette émission est là en face de moi. Et il va dire bonjour et vous allez tout de suite le reconnaître. Bom dia, caros amigos ouvintes. Mais uma vez, aqui estou, na companhia do nosso amigo Manu, para passarem um agradável momento durante esta sexta-feira. Embora o tempo hoje esteja bom, mas toda a semana foi um tempo assim um bocadinho triste. Triste, e chuva, muita, ontem e anteontem muita chuva. Este programa está aqui para levar muita, muita alegria, não é isso? É, exatamente. Tu tens sempre músicas muitas, muito alegres aqui no programa, A Porrada da Mulher. E justamente, après, il y en a une que tu aimes bien aussi, d'ailleurs je vais la passer après, tu vas... C'est une chanson que tu m'as... La motte, non, la motte, non sais quoi. La motte, Lionel, il adore cette chanson. Et donc du coup, on va la mettre après, ben, ça va être pour lui d'ailleurs, il va nous dire qu'est-ce qu'il pense de cette chanson, parce qu'il connaissait pas. Lionel, qui connaît pas une chanson, c'est rare. Mais pourtant, c'est une chanson... Non, je ne les connais pas tous, hein, je suis... Elle date pas d'aujourd'hui, hein, cette chanson, hein. Mais bon, donc voilà, on va écouter. Oui, c'est bien d'avoir des nouveaux titres, d'aller chercher un peu dans les... C'est un nouveau, oui, c'est un groupe nouveau que je passe dans mon émission. Ouais, là, le groupe, que, mais il existe déjà depuis un moment, hein, ce groupe-là. Le groupe, oui, je suis... Alors le groupe, c'est Alziva. Alziva, la bande Alziva, ouais. Voilà, je pense qu'il y a des gens qui vont reconnaître. Et ce titre-là... C'est Emilia Motte. Moi, j'adore cette chanson aussi. Et puis, je crois que pas mal d'animateurs me l'ont demandé. Du coup, et moi, comme je suis un peu casse-pied, on va faire une devinette pour nos auditeurs. Hein? Ouais, t'es d'accord? Ouais, je suis d'accord, moi. Qui est fait par andar et non anda? Qui est fait par andar et non anda? Qui est fait par andar et non anda? Qu'est-ce qui est fait pour marcher mais ne marche pas? Voilà. C'est ça. Moi, je traduis en français parce que je me... Bah, écoute, il peut avoir plusieurs réponses, mais ma réponse, c'est une réponse. Bah, il y a déjà le téléphone qui sonne, donc tu vas pouvoir répondre. Non, mais je te laisse. Non, plaisir, mais là, moi, je vais passer la chanson et toi, tu vas répondre, d'accord? Allez, on écoute à bande adhésive. Il n'y a rien à gagner, hein? Non, c'est juste pour le plaisir. Allez, on écoute. A mota que eu comprei na juventude, gastei a nota, mas andei nela o que pude. Como eu gostava quando andava na mota, mal parava, queria dar mais uma volta. Quando eu queria dinheiro para gasolina, pedia assim dinheiro à minha mãezinha. Quando eu queria dinheiro e já não tinha, pedia assim dinheiro à minha mãezinha. Oh, minha mãe, eu quero dinheiro, porque já não chega o que o pai me dá. Toda a gente sabe que o rapaz solteiro gosta de ir ao porto, tra-la-la-la. Oh, minha mãe, eu quero dinheiro, porque já não chega o que o pai me dá. Toda a gente sabe que o rapaz solteiro gosta de ir ao porto, tra-la-la-la. Havia sempre quem pedisse uma boleia, mas eu escolhia quem podia pôr na mota, porque ela tinha de aceitar a minha ideia de mais à frente darmos uma cambalhota. Quando eu queria dinheiro para gasolina, pedia assim dinheiro à minha mãezinha. Quando eu queria dinheiro e já não tinha, pedia assim dinheiro à minha mãezinha. Oh, minha mãe, eu quero dinheiro, porque já não chega o que o pai me dá. Toda a gente sabe que o rapaz solteiro gosta de ir ao porto, tra-la-la-la. Oh, minha mãe, eu quero dinheiro, porque já não chega o que o pai me dá. Toda a gente sabe que o rapaz solteiro gosta de ir ao porto, tra-la-la-la. Era um gênio quando tinha a minha mota. Ganhava prémios, mas gastava logo a nota. Saía à noite para as boates da XF. Que belos tempos que para mim jamais esquece. Quando eu queria dinheiro para gasolina, pedia assim dinheiro à minha mãezinha. Quando eu queria dinheiro e já não tinha, pedia assim dinheiro à minha mãezinha. Oh, minha mãe, eu quero dinheiro, porque já não chega o que o pai me dá. Toda a gente sabe que o rapaz solteiro gosta de ir ao porto, tra-la-la-la. Oh, minha mãe, eu quero dinheiro, porque já não chega o que o pai me dá. Toda a gente sabe que o rapaz solteiro gosta de ir ao porto, tra-la-la-la. Eu e Banda... Banda Alziva, A Minha Motte. Donc voilà, une chanson que on a découvert il y a pas si longtemps. Et en ce moment, elle passe sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Et pour la devinette Et pour la devinette à, que Lionel a dit, on a eu deux. Alors, j'allais dire deux gagnants, non, parce qu'il n'y a rien à gagner. Mais ils ont trouvé assez vite. C'est vrai qu'elle était un peu facile. Oui. Donc, o que é que é feito para andar em Nauanda? Só podia ser o quê? O que é estrada. Estrada. Voilà. E donc, c'était trouvé par le premier qui t'a appelé, c'était c'est... monsieur. Monsieur Paulo. De SMP. Ouais, c'est SMP, je crois. Voilà. SMP, qui était dans son camion en train de faire de la route. Hein. Voilà, et puis qui nous écoute. C'est un bonjour fidèle. À lui. Voilà, tout, bonjour à lui, ses... à toute son équipe. Voilà, c'est un fidèle auditeur qui nous écoute. Auditeur et un fidèle. Et un bénévole, un sponsor. Un sponsor. Un fidèle sponsor. Ouais, un fidèle. Dans toutes les affiches, dans tous nos spectacles, il est là, voilà. Présent. On le remercie d'ailleurs. Et là, on en profite pour le remercier au nom de la radio. Comme tous les autres, hein, qui sont bien là. Bien sûr, il y en a d'autres aussi, voilà. Et aussi un monsieur De Barros, qui nous a appelé juste derrière, aussi, qui avait trouvé la réponse. Mais je pense qu'il y en aura d'autres des minettes tout au long de cette émission. Ouais, on va faire un peu plus sympa, voilà. Vivant. Voilà. Et je pense qu'à la fin de l'émission, on va m'appeler, on va me dire, Manu, aujourd'hui, tu parles de trop. D'habitude, c'est le contraire. C'est plus de musique. Mais plus de musique. Et justement, allez, on repart avec... Pierre Lionel, allez, hop. On va continuer avec une autre musique, et c'est Charge d'Oil Trottinette. Alors. Comprei uma trottinette para andar com a Lisette. Comprei uma trottinette para andar com a Lisette. Com a subida dos preços está tudo caro. Eu deixei o meu carro parado à porta de casa e comecei a poupar um dinheirinho e a fazer como o vizinho e a mulher quer uma brasa. Já andei a pé, andei de skate e bicicleta. Nunca fiz com a Lisette ter o carro sempre parado. Quem anda moda, comprei uma bem giraça para andar na rua, na praça, ela vai para todo lado. Comprei uma trotinete para andar com a Lisette. Eu ando rua acima, rua abaixo com ela. Comprei uma trotinete para andar com a Lisette. A coisa que mais adoro é andar montado nela. Comprei uma trotinete. Trot, trot. Trotinete dentro da minha garagem. E a Lisette, quando passa à minha porta com a sua trotinete, faz sempre uma paragem. O que mais gosta é da minha companhia, seja noite ou seja dia, montada lá vai ela. E o que eu mais gosto é da minha trotinete para andar com a Lisette, sempre montado nela. Comprei uma trotinete para andar com a Lisette. Eu ando rua acima, rua abaixo com ela. Comprei uma trotinete para andar com a Lisette. A coisa que mais adoro é andar montado nela. Trot, trotinete. Sempre parado. Quem na moda, comprei uma bem giraça para andar na rua, na praça, ela vai para todo lado. Comprei uma trotinete para andar com a Lisette. Comprei uma trotinete para andar com a Lisette. A coisa que mais adoro é andar montado nela. Comprei uma trotinete para andar com a Lisette. Eu ando rua acima, rua abaixo com ela. Comprei uma trotinete para andar com a Lisette. A coisa que mais adoro é andar montado nela. Trot, trotinete, trot, trotinete, trot, trotinete. Trot, trotinete. Trot, trotinette, trot, trotinette, trot, trotinette. Eh oui, Charles Doe et la trottinette. Et là, on continue avec une nouvelle. C'est pareil, encore un groupe que je connaissais pas. Capitolina Ambrioletta. Et le titre, c'est Faz mon filho. Écoute les paroles, Lionel, tu vas voir. Muito obrigado. Esta é a vida que eu escolhi. só sei viver com alegria. O vosso amor é importante e ainda mais a vossa energia. Eu quero as mãos do ar, toda a gente a cantar. Eu sou assim desta maneira. Eu quero as mãos do ar, toda a gente a cantar. Quero Johnny Abreu, as mãos no ar. Boa disposição aqui na Rádio Arc-en-Ciel, como todas as sextas-feiras, das 17 às 19, não é? 17 às 19, todas as sextas-feiras. E avec dans l'émission Descoberta, avec Manu, e aujourd'hui avec Manu e Lionel. Então aqui estamos, vamos a mais uma adivinha? Vas-y, on t'écoute, c'est toi le maître des devinettes. Então, o que é, tem cabeça e tem dentes. Não é bicho e nem é gente. Repito, o que é, tem cabeça e tem dentes. Não é bicho e nem é gente. A vocês darem a resposta. Para isso há um só número de telefone. É o 0238-43-48-00. Voilà, je le connais pas par cœur, mais toi, comme t'es un vieux de la vieille, tu connais tout. C'est vrai que je suis un vieux. Donc voilà, puis voilà, on repart en musique et on écoute à Mandalouza, Copo de Cerveja, à boire avec modération. Tout à fait. Aqui comigo somos amigos, para que se envergonhar? Eu sou o mesmo do passado ao presente. Minha história nem precisa te contar. Esta aliança em seu dedo tem meu nome. Vê se recorda as juras que você fez. E se quiser chorar, misture com meu pranto. Mas nesta noite quero tê-la outra vez. As alianças que enfeitam nossos dedos guardam segredos que ninguém pode saber. Somos amigos apesar de tantas brigas. Vive comigo, ainda gosto de você. As alianças que enfeitam nossos dedos guardam segredos que ninguém pode saber. Somos amigos apesar de tantas brigas. Vive comigo, ainda gosto de você. Você que eu tanto queria. Por isso hoje ando triste pelas noites, apaixonado, afogado na boemia. Até as pedras que são pedras se encontram. Nos encontramos nesta linda madrugada. Viva comigo e abrace com ternura. depois me deixe sem adeus, sem dizer nada. As alianças que enfeitam nossos dedos guardam segredos que ninguém pode saber. Somos amigos, apesar de tantas brigas. Teve comigo, ainda gosto de você. As alianças que enfeitam nossos dedos guardam segredos que ninguém pode saber. Somos amigos, apesar de tantas brigas. Teve comigo, ainda gosto de você. Et oui, c'était Bandalusa, Copa de Cerveja. Donc voilà, nous n'avons pas une gagnante, parce que j'allais dire encore une gagnante, mais il n'y a rien à gagner. C'est Madame Esteves qui a trouvé la réponse. Madame Alves aussi. Madame Alves aussi, d'à côté. qui l'a... Mais elle ne compte pas. Et donc, monsieur Manuel de Lemos. Ah oui, monsieur Lemos aussi qui a trouvé la réponse. Donc... on va. Lionel... On continue encore avec la même pour qu'il y ait plus de gens qui donnent. Je répète la même pour qu'il y en ait. Oui, mais là, on vient. Ah, tu l'as pas dit à l'antenne. Non, tu l'as pas encore dit. Ah, d'accord. On le dira tout à l'heure à l'antenne, la réponse. Mais s'il y en a d'autres qui le savent, ils peuvent continuer à nous appeler. Je vais la répéter. Alors, qui est, tem cabeça e tem dentes. Não é bicho e não é gente. O que é? Moi, je le sais. Maintenant. Maintenant, je le sais. Mais bon, s'il y en a d'autres, ils peuvent continuer à appeler. Mais par contre, il va falloir qu'on trouve des plus durs parce qu'ils les trouvent facilement, les gens. Ouais, mais après, c'est trop compliqué. Faut pas. Ouais, c'est vrai. À fin de journée, faut pas que ça soit trop compliqué. C'est... En tout cas, ça fait plaisir parce que voilà, Madame Esteves nous disait qu'elle nous écoutait en voiture. Et je pense que comme elle, il y en a beaucoup. Donc voilà, on sait très bien qu'il y a beaucoup. C'est surtout pour avoir un rapport auditeur, animateur, Je vous avais promis aujourd'hui que ça allait changer, qu'on allait m'entendre. Parce que Manu, il dit, on m'écoute pas, on téléphone pas. Mais tu vois, les gens, ils écoutent de l'autre côté. C'est normal, on me téléphone pas, je suis tout seul, je parle pas, ils savent même pas qu'il y a quelqu'un de l'autre côté. Maintenant, là, ils étaient là avec moi, ils savent qu'il y a quelqu'un, c'est pour ça. En tout cas, mais merci les gens, Madame ils aiment Esteves. Bien parce qu'il y a beaucoup de musique. Voilà. Merci à Madame Esteves et merci à Monsieur Lemos aussi qui a trouvé la réponse. Mais s'il y en a d'autres qui le savent, ils peuvent continuer à nous appeler. Allez, on poursuit avec la musique. On va y penser à trouver des petits lots à faire gagner. Voilà, peut-être c'est une bonne idée à faire gagner des petits lots. Alors, ça sera pas des grands cadeaux, mais des petits trucs pour récompenser quand même ces personnes-là. On va y penser à ça. Allez, on continue en musique. Trocaram de estrada, sem teto nem casa, estão na escuridão. O filho que sai e abandona o pai e a mãe chorou. Senhora da luz, a este está em luz, que escuro ficou.

pregão que matarás à porta, ternura. Cidade a ponto luz, bordada. Toalha à beira-mar, estendida. Lisboa, menina e moça, amada. Cidade, mulher da minha vida. Lisboa, no meu amor, deitada. Cidade, por minhas mãos, despida. Lisboa, menina e moça, amada. Cidade, mulher da minha vida. Olá, é o Marquito, na Rádio Arco-Íris. 96.2. Fica atento. Na Rádio Arco-Íris. Já foi abandonada, traída e maltratada, mas nunca me perdi do meu caminho. Já tive mil desgostos, deixando em meu rosto as marcas de uma vida sem carinho. Mas para acalmar a dor e o mal que me destrói, eu danço rumo e esqueço o meu destino. Eu sou feliz, esqueço de mim, até no amor não sinto dor, dançando rumo. Já fui abandonada e também condenada a uma vida que eu não quis ter. Já tive mil desgostos, deixando em meu rosto as marcas de uma tristeza sem fim. Mas para acalmar a dor e o mal que me destrói, eu danço rumo e esqueço o meu destino. Yeah. de penas me deito e com mais penas me levanto. No meu peito já me ficou, no meu peito, este jeito, o jeito de te querer tanto. Desespero, tenho por meu desespero, e dentro de mim o castigo. Não te quero, eu digo que não te quero, e de noite sonho contigo. Considero que eu hei de morrer, e o desespero que tenho de te não ver. Estendo o meu shine, estendo no chão o meu shine, estendo o meu shine e deixo-me adormecer. Se eu soubesse que morrendo tu me havias de chorar por uma lágrima tua, que alegria me deixaria. C'était Diapason Lágrima. Et là, on va s'écouter Kalem, et le titre c'est Viage, et ça a été demandé par notre amie Sylvia, qui l'a dédié à toute l'équipe d'Ordre Arc-en-Ciel. On en profite pour lui passer un petit bonjour et lui souhaiter un bon week-end. Ton beijo

eu gosto dela. Ela acha que tem sempre razão, mas mesmo assim eu gosto dela. Ela é mandona, mas eu gosto dela. Ralha muito, mas eu gosto dela. Ela não admite o não, mas mesmo assim eu gosto dela. Mandona, mas eu gosto dela. Ralha muito, mas eu gosto dela. Ela acha que tem sempre razão, mas mesmo assim eu gosto dela. Ela é mandona, mas eu gosto dela. Ralha muito, mas eu gosto dela. Ela não admite não, mas mesmo assim eu gosto dela. Mas mesmo assim eu... Et oui, c'est Eduardo Santa Anna, eu gosto dela. Et juste avant, c'était le groupe Kalem, Viage, et ça a été demandé par notre collègue, notre amie Sylvia, pour toute l'équipe de Radio Arc-en-Ciel. Et Voyage, là, c'est le nouveau programme qu'on peut écouter tous les mardis. Voilà, donc tu vas pouvoir en parler justement. Voilà, Lionel a un nouveau programme à vous proposer. Donc ça sera tous les mardis matin, de quelle heure à quelle heure? De 9h à midi, hein. 9h à midi, donc, et ça s'appelle et comment ton nouveau programme? Viage de Soldats. Viage de Soldats. Déjà, ça sonne romantique, ça. Ça sonne. Lionel, c'est un romantique. Il et paraît... ça m'est venu comme ça, bon, c'est. Et ça consiste à quoi, ce. Voilà. Ben, on voyage avec les musiques, tous les thèmes de musique variés, bien entendu, comme d'habitude, hein. Des musiques un peu douces, un petit peu. Non, il y aura un peu non, nostalgie. On peut bouger, on peut. Ouais. Comme d'habitude. Et les gens, j'espère. Et puis les auditeurs, ils peuvent participer pour choisir. Voilà. C'est ce que j'allais demander. Musiques, hein. S'ils peuvent participer, s'ils peuvent appeler, justement, pour choisir leur musique. Et puis, bien sûr, en même temps, pour t'encourager dans ta nouvelle émission. Une, parce que t'as pas que celle-là. T'as pas que cette émission-là. Non, mais là, c'est un remplacement de Monsieur Carval. Actuellement, il peut pas être présent. Bien entendu, certainement, il. Voilà, tu reprendras peut-être. Pour l'instant, on attend de ces nouvelles. Et en attendant, justement, bah, au lieu de mettre des playlists, c'est bien d'avoir comme ça des animateurs à l'antenne, avec qui vous pouvez échanger aussi des voilà, en appelant, vous pouvez échanger, bah, des mots avec, et puis choisir vous-même vos chansons. Pourquoi pas? Et pourquoi pas des petites devinettes comme aujourd'hui, hein, ça dépend. C'est... Et d'ailleurs, des petits poèmes, des petits. Et il y avait une autre dame tout à l'heure qui avait trouvé aussi, c'est Madame Montero, je crois, je l'avais pas dit, aussi qui l'avait trouvé la devinette d'avant. Carvalho. Voilà. Donc la réponse était elle a cabeça de alho. C'est ça. Voilà. Et t'en as une autre après à nous proposer? J'ai une autre, hein, pourquoi pas. Qui est, está sempre no meio da rua e de pernas para o ar. Não há malícia, atenção. Que está sempre na rua e de pernas para o ar. O que é que está sempre no meio da rua e de pernas para o ar? Donc voilà, s'il y a des gens qui ont la réponse. Il n'y a pas de malice, hein. Moi, je la connais pas. Il faut que je réfléchisse, hein. Mais s'il y a des gens, bah voilà, qui connaissent la réponse, ils peuvent nous appeler au numéro que tu. Elle est pas du tout compliquée, mais faut réfléchir. Faut réfléchir. Eh ben, en attendant que les gens nous appellent pour nous donner la réponse, on va écouter un titre qui a été demandé par, notre ami Jérôme, aussi pareil, un fidèle auditeur qui voilà, il dit cette chanson. Comme Florent Amigo qui enregistre toutes nos émissions, qui fait les podcasts, tout ça. Parfois on le remercie pas assez, mais voilà. Je parie qu'il est à l'écoute, hein. Ah oui, il nous écoute et heureusement qu'il est là parce que voilà. Il écoute pratiquement tout parce que je sais pas quel jour j'ai écouté RDP sur Radio Arc-en-Ciel et puis RDP il a dit vous pouvez écouter sur Radio Arc-en-Ciel à Orléans. Lui, il a fait un petit montage, il l'a remis sur les réseaux. Sur les réseaux, ouais. Donc c'est qu'il est à l'écoute, non, il suit. Capte quand même tous les petits trucs. Faut savoir que Florent, c'est quelqu'un qui enregistre toutes nos émissions. Hein, voilà. Bénévolement, donc, c'est. Toutes nos émissions, nos événements. Avec son matériel, voilà, tout ça. De chez lui. En tout cas, un grand merci à Florent. Et justement, bah là, cette chanson qui va suivre, là, c'est la bande Alésive, justement, de ceux qui chantaient Aminia Mott. Hein, et c'est demandé par Jérôme pour sa maman, pour toute l'équipe aussi de Radio Arc-en-Ciel. Donc lui, il demande Upa Deiru. Donc on va écouter. J'ai dû la passer dimanche, ça. Voilà, donc nous la demande. Donc au mardi. On va l'écouter. Donc en tout cas, on remercie puis on lui souhaite un bon week-end aussi à notre ami Jérôme. On écoute Upa Deiru. amor, pátria, mérito e distinção. Mas lhe falta a ferramenta, trabalha mesmo com a mão. O padeiro tem uma forte relação com a farinha, uma malezinha para fazer pastéis e pão. A trabalhar com a pátria, mérito e distinção. Mas lhe falta a ferramenta, trabalha mesmo com a mão. O padeiro passa a vida meter a pau à forma, tira, tira e mete. Eh oui, c'est à Banda Lisive, ou Padeiro, et ça a été demandé de Jérôme pour sa maman et toute l'équipe de Radio Arc-en-Ciel. On lui souhaite aussi un bon week-end à lui. Et là, on va s'écouter une chanteuse qui s'appelle Christiana Sa, et c'est Toca na Gaita, et c'est pour Monsieur Farias, on l'a dédié à Monsieur Farias, qui nous a appelé tout à l'heure. Et pour vous dire aussi que Christiana Sa sera à la salle des fêtes de la chapelle Saint-Mémin, justement, vendredi. Excusez-moi, pas vendredi, c'est aujourd'hui, samedi demain, à partir, donc vous pouvez y aller, donc il y a Rougegas à partir de 20h. Donc pour tous ceux qui veulent y participer, venez encourager justement, ça a été organisé par l'association Osminotes. Donc venez demain nombreux à partir de 20h à la salle des fêtes de la chapelle Saint-Mémin. Et en même temps, vous pourrez voir Christiana Sa. Et on écoute Toca na Gaita de Christiana Sa. Sure. c'était Cristiana Sá, toca na gaita. E sábado podem levar a sua gaita para tocar lá quando quiserem, não é? Exatamente. Donc, vous êtes les bienvenus à justement cette fête qui est organisée. C'est une Os première, Mignotes, je crois, pour Mignotes, voilà. La Chapelle Saint-Mama. De la Chapelle Saint-Mama, qui organise une soirée, là, une soirée conjointe. C'est comme ça qu'on dit, Rusgues. Rusgues, c'est plusieurs groupes. Il y a qui plusieurs viennent, groupes. Je sais pas les groupes exactement le nom il y des trois, groupes. Il y en a trois. Je vois, il y a Os Mignotes de la Chapelle. Il y a à bande. Alors, attendez. Je vois mal. À bande. ROS de Paris. Et au Coração de Portugal de Saint-Pierre-des-Corps. Donc voilà. Il y a trois qui vont chanter. Voilà, et danser, d'après ce que j'ai compris, on peut s'ajouter avec eux. En fin de compte, les gens, ils rentrent dans la danse. Tout le monde danse, voilà. On l'a déjà fait, salle Montition. Nous, on l'a fait aussi déjà à la salle de Montition. Donc voilà, vous avez. Et évidemment, un Real Mignot, on va dire, hein, c'est ça. Voilà, moi, ce truc orange, tout ça, je connais pas trop. Et comme dit à Cristiana Sá, também pode levar a sua concertina. Justement, parce qu'elle sera là. Donc voilà, ça ouvre, les portes ouvrent à partir de 20h. Elle va passer à, bon, je crois qu'il marque vers 22h30, elle sera là, mais elle sera pas toute seule, elle va faire aussi, elle va cantar un desafio avec un autre. Ouais, un desafio avec, j'ai le nom. Alors, moi, j'ai le nom là, mais j'ai une petite, je vois mal, je suis désolé, j'arrive pas à lire. Faut changer de lunettes, Manu. Ouais, c'est les lunettes là, et pourtant, je grandis, mais bon, c'est pas grave. J'ai grossi la photo. Mais donc, c'est juste tout ça pour vous dire que demain, à partir de 20h, voilà, vous pouvez, je crois aussi qu'ils peuvent y aller pour ouais, en plus, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu quelque chose sur Orléans. Hein, ça fait depuis. Depuis notre dernier. Le dernier bal de nous, c'était là en avril, et il y a eu la Saint-Jean. La Saint-Jean, après, il y a eu les vacances. Hein. Mais il y a les vacances, tout ça. Non, mais là, voilà, c'est l'occasion de faire une petite sortie, quoi, voilà, en famille, avec des amis. Donc voilà, venez nombreux, venez les c'est soutenir. C'est la chapelle, c'est pas loin d'Orléans. Donc, c'est pas loin, c'est une belle salle. Je connais bien cette salle, c'est une très belle salle. Il y a un grand parking, donc il n'y a pas de problème. Donc voilà. Pour tous ceux qui veulent soutenir et qui veulent surtout venir voir. Oui, c'est surtout, c'est une association qui a besoin d'aide, comme toutes les associations, autres, hein, bien sûr. Autres, voilà. Et donc, on n'a pas de préférence. Là, c'est eux qui organisent et on parle d'eux. C'est eux qui organisent et voilà. Donc, c'est d'autres, on en parle d'autres, hein. Donc voilà, tous ceux qui veulent, donc, réservez votre date pour demain, voilà, à partir de 20h à la salle des fêtes de la Chapelle Saint-Mémin. L'entrée, Oui, c'est 10 euros, je crois, l'entrée. 10 euros. Après, vous avez aussi la restauration sur place, hein, d'après ce que j'ai compris. Donc voilà, vous pouvez manger sur place. Donc voilà. Et on continue avec... Et l'autre devinette, t'as eu des réponses? Ah oui, oui, les devinettes, je l'ai dit tout à l'heure. Mais là, il y en a pour celle que t'as dit, là, il y a pas... Elle est un peu plus compliquée. Peut-être un peu plus... Tu vas la répéter? Oui. Alors, qui est qui está no meio da rua e de pernas para o ar? Je vais aider un petit peu. Si vous écrivez rua, vous allez trouver la réponse. Qui est que está no meio da rua e de pernas para o ar? Manu, il cherche ses petites musiques, donc je vais la répéter encore une fois. Non, on m'a demandé une chanson, je suis en train de la chercher, mais bon, je vais en mettre une en attendant et après non, je vais mais la passer. Peux... Ah, ça sonne déjà, je pense qu'il y a quelqu'un, tu vas pouvoir répondre et moi je vais passer une musique. Très bien. Tu vas débrancher le micro. Pensar em ti nos tempos de alegria desse nosso amor, tu estavas a meu lado, mas longe daqui, talvez pensando noutro, o teu sedutor, aquele que te fala de amor e paixão. E que já tomou conta desse teu olhar. Já sei que vais embora do meu coração. Só espero que esse alguém também te saiba amar. Não deixes que eu te veja com ele em qualquer lado. Avisa para eu nunca te encontrar. Não ligues para saber se estou ou não magoado. Dedica a tua vida. da tua intimidade. Só espero que sejas feliz assim. É nesse quanto eu fico com o passado, lembranças e saudade, e os beijos teus que ainda guardo em mim. E os beijos teus que ainda guardo. Fiquei a noite toda a pensar em ti, nos tempos de alegria desse nosso amor. Estavas a meu lado, mas longe daqui, talvez pensando noutro, o teu sedutor, aquele que te fala amor e paixão, e que já tomou conta desse teu olhar. Já sei que vais embora do meu coração, só espero que esse alguém também te saiba amar. Não deixes que eu te veja com ele em qualquer lado. Avisa para eu nunca te encontrar. Não ligues para saber se estou ou não magoado. Dedica a tua vida a quem te queres dar. Não deixes que eu saiba da tua intimidade. Só espero que sejas feliz assim. Eu fico com o passado, lembranças e saudade, e os beijos teus que ainda guardo em mim. Os beijos teus que ainda guardo em mim. Avisa para eu nunca te encontrar. Não ligues para saber se estou ou não magoado. Dedica a tua vida a quem te queres dar. Não deixes que eu saiba da tua intimidade. Só espero que sejas feliz assim. Lembranças e saudade, e os beijos teus que ainda guardo em mim. Os beijos teus que ainda guardo. Eu e citei o Fernando Santana, não deixe que te veja com ela. E lá on va poursuivre avec une chanson de Jorge Freira. Il s'était demandé de notre ami Alberto. Il m'a dit, est pas namorada. J'espère que c'est pour celle que je pense. Sinon, il va y avoir des histoires. Mais donc, je pense que c'est celle bien que je pense. Donc, et le titre, c'est Vida de namorada. Et ça a été demandé de Alberto, pas namorada d'elle. On écoute Jorge Freira. Thank you. Et oui, c'était au Georges Freire, Ville des Namorados. Apparemment, il n'y avait que de la musique, il n'y avait pas de paroles, donc je suppose que c'était bien celle-là qu'il voulait. Il y en a une autre dans le dernier album, je crois. Ouais, et il y a peut-être des paroles. Je suis désolé, Alberto, mais je pense que toi, Namorada, elle a bien compris, c'était pour elle. Donc voilà, c'était Georges Freire à l'accordéon. Et là, on poursuit avec une chanson de Gaby Fernandes, donc c'est tous ceux qui connaissent pas bien le nom, c'est qui est Gabi, c'était le vocaliste. Des Irmãos Verdade, o cantor dos Irmãos Verdade. Verdade. Agora canta a sol, mas neste disco, penso que tu vais escolher, ele canta com... Il chante avec d'autres personnes. Ouais, ouais. Il a reformé son groupe, quoi. C'est ça. Il a reformé un peu son groupe. Et j'aime bien. C'est un petit slow, un petit truc. Moi, j'aime bien, mais il en a fait une autre parce que j'ai reçu. Ah ouais, il en a déjà. Depuis qu'il est tout seul, il en a déjà fait. Non, mais là, maintenant, dans cet album, et bah là. Alors, comme je suis un petit peu en contact avec lui, il m'envoie de temps en temps ses nouveaux titres. Et donc, ça, c'est un titre qu'il nous a envoyé. Donc, on va écouter au Gaby Fernandes et ses Fragmento. Que a vida talvez te possa reencontrar. Devo-lhe quero o que sobrou. Não tem como ficar pior. Todas as manhãs nas 7:19 eu sufoco mais um pouco. Tudo lembra-te. Não mais posso fingir. Todos os sorrisos eu vejo o teu. Contigo provei o céu. O que hoje eu tenho são só fragmentos. O feto do espelho não é o meu. Não sei quem foi o réu. O que hoje eu tenho são só fragmentos. Deixei ficar o teu cigarro no cinza. O vinho não aquece o coração em gelo. Teu espaço no meu guarda-roupa. Tudo lembra-te. Não mais posso fingir. Em todos os sorrisos eu vejo o teu. Pegadas tuas, vejo o teu rosto em toda a avenida. Nada ajuda. O chão está infestado de pegadas tuas. Vejo o teu rosto em toda a avenida. Que agonia. Em todos os sorrisos eu vejo o teu. Contigo provei o céu. O que hoje eu tenho. Et oui, c'était Gaby Fernandes, Fragment. Et là, on a peut-être la réponse à la devinette de... Voilà, la réponse, c'était tout simplement le U. La lettre U. Voilà, c'est pour que ça nous mette de rua. Rua, quand j'écrives rua, ça nous mette. Oui, U. Exact, oui. Et t'as les pernes pour voir. Exactement aussi. Donc voilà. Et c'est la réponse qui a été donnée par eux. Alors j'ai eu un appel de Monsieur Alberto. Il y a Madame Montero. Madame Montero. Il y a eu d'autres coups de téléphone qu'ils n'ont pas... donner la réponse exacte, mais c'est des personnes qui voilà, ont donné exacte. Qui ont donné la réponse exacte. Alors encore une fois, voilà, il y a rien à gagner, c'est vrai, mais peut-être qu'on va mettre en place un petit jeu comme ça. Alors ça sera des petites bricoles, ça peut être un maillot de radio arc-en-ciel. Comme il est débrouillard, il va trouver un sponsor hein, pour nous donner des petits. Voilà, s'il y a quelqu'un qui veut sponsoriser l'émission, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, on peut discuter. Ouais, en contrepartie, on peut faire une petite pub. Hein, une petite pub, hein. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé encore de ça, mais pourquoi pas un sponsor qui sponsorise une émission à son choix, et puis voilà, faire gagner des petits lots, et en même temps, ça lui fera un petit peu de pub, quoi. Et là, j'ai une personne que je connais bien qui demande. Alors, elle m'a demandé, elle veut passer une chanson pour son mari. Alors, pour son mari Eduardo, hein, elle lui fait un gros bisou pour qu'il passe une bonne soirée. Et elle m'a dit que soirée, ça peut. Voilà, donc elle me dit, voilà, ça fait un bon repas, ça y est. Exactement, si tu veux. Si tu veux le rendre, Louisa, si tu veux le rendre heureux, quand il arrive ce soir, tu lui prépares un beau repas. Voilà. Et à la chandelle. Voilà. Par contre, elle a eu tort. Elle m'a demandé de choisir la chanson. Donc, elle m'a dit, je vais la choisir. T'as pas choisi pour un Adam Niel. Et si. Donc, voilà, c'est pour Eduardo de la part de Louisa, hein, sa petite chérie, quoi. Tu lui fais un gros bisou. Et la chanson, c'est Luis Cardoso pour Adam Niel. Louisa, voilà. Ne m'en veux pas. Allez, on écoute. Há quem suas porradas não quer, mas que seria de um homem neste mundo sem a porrada de uma mulher? Um dia a minha mulher se enervou, pregou-me uma grande porrada, mas como eu sou homem de bom caráter, disse para ela: mulher, estás perdoada. Quando a mulher não dá porrada, num lar não pode haver animação. Por isso eu digo sempre para a minha: dá-me porradas até eu cair para o chão. Dá-me porrada, mulher, dá-me porrada. Dá-me porradas, mas com jeitinho. Quanto mais porradas me dás, mais aumentas o meu carinho. Dá-me porrada, mulher, dá-me porrada. Dá-me porradas com calma e afeição. Quando me das tuas grandes porradas, eu desmaio e caio para o chão. Há quem goste das suas porradas, há quem suas porradas não quer, mas que seria de um homem neste mundo sem a porrada de uma mulher? Um dia a minha mulher se enervou, pregou-me uma grande porrada, mas como eu sou homem de bom caráter, disse para ela: mulher, estás perdoada. Quando a mulher não dá porrada, no lar não pode haver animação. Por isso eu digo sempre: braço até eu cair para o chão. Dá-me porrada, mulher, dá-me porrada. Dá-me porrada, mas com jeitinho. Quanto mais porradas me dás, mais aumentas o meu carinho. Dá-me porrada, mulher, dá-me porrada. Dá-me porradas com calma e afeição. Eh oui, c'est Luiz Cardoso, a porrada da mulher. Et c'était demandé de Luisa pour son mari Eduardo, mais elle dit qu'elle lui fait un gros bisou. Donc voilà, mais je pense pas qu'elle est comme ça, Luisa, avec Eduardo. Donc voilà, c'était juste pour rigoler un petit peu. Et la chanson qui va suivre derrière, là, c'est une chanson, une reprise en fin de compte. C'est une reprise. Ça reste en famille, c'est ça? Ouais. Parce que c'est son fils qui va chanter Jouant Lance. Voilà, c'est Jouant Lance en duo avec sa mère, mais c'est une chanson qu'il a faite après son décès. Ouais, voilà. Mais c'est une chanson de Linda D'Souza. Ouais, c'est une chanson de Linda D'Souza. Et que, voilà. Linda D'Souza, elle est née le 22 février 48. Voilà. Et je crois qu'elle est décédée l'année dernière. Elle est décédée. En décembre, non? Le 28 décembre. Voilà, ça va faire un an. 2022, ouais. 22 ou 23? 22. Ah, 22, ça va faire déjà deux ans, vous voyez. Ouais. Moi, je pensais que ça faisait un an, comme quoi c'était, pour moi, c'était encore hier, quoi. T'es une des stars portugaises dans les années 90, hein, 80. Qui représentait bien le Portugal pour cette époque-là. Voilà, c'était notre. Avec son tirourir, son. C'était notre seconde à Amélia, en fait. Ouais, ouais, c'est vrai. Donc voilà, c'était un. On va y faire un petit hommage à Linda D'Souza, justement, à l'approche de son anniversaire, on va dire anniversaire, entre guillemets, de son décès. Et c'est elle une est chanson. Toujours avec nous, hein, dans nos émissions. Pratiquement, on la passe. On la passe régulièrement. C'est des titres que, voilà, que tout le monde connaît aussi. Et là, c'était bien repris, hein. Vous savez, aujourd'hui, avec la technique, c'est vrai qu'on arrive à tout faire. Il arrive à chanter un duo avec sa mère. Avec elle, sur une chanson de sa mère, et le titre, c'est L'étrangère. Donc, on écoute Jouant Lance et Linda D'Souza. Et le titre, c'est L'étrangère. Elle a les yeux noirs de sa mère, et sa tendresse et ses colères. Elle ose dire qu'elle en est fière. L'étrangère. Elle a gardé une carte postale de son village de Portugal. Elle a des sourires qui font mal. L'étrangère. Bien sûr, elle a changé de vie quand elle est arrivée ici. Elle n'avait pas un seul ami. L'étrangère. Elle s'est habituée à Paris. Elle aime les gens de ce pays. Et de fado en mélodie. Elle chante avec du soleil dans la voix. Elle chante des amours qui n'existent pas. Elle chante pour les pauvres gens, pour les rois. Elle chante tout ce qu'elle dit. Elle n'a jamais connu l'hiver. Elle sait le prix de la misère. L'étrangère. Elle n'a rien oublié de ceux qui chantent avec les larmes aux yeux. Alors elle est restée pour eux. La lumière. Elle chante avec du soleil dans la voix. Elle ne sait pas. Eh oui, João Lança et Linda da Souza, l'étrangère en duo. Hoje a vida é triste, não é? Voilà, donc c'était pour un petit clin d'œil et rendre hommage à Linda da Souza. Voilà, comme tu disais tout à l'heure, ça va faire 2 ans qu'elle nous a quittés bientôt, le 22 décembre, je crois, là. Donc voilà, c'était juste un petit clin d'œil au passage. Mais nous sommes ici pour levar l'alegria, non? Exactement. Et je crois que tu as une belle, là, pour finir, parce qu'il nous reste un petit quart d'heure. Ouais, il y a déjà Albino. Hein, Albino qui est déjà, qui attend déjà sa place. On va pousser un petit peu, là, c'est ça? Donc voilà, Lionel, une dernière petite devinette. Non, c'est pas une, ouais, c'est une anecdote. Ah, c'est une anecdote, ah, d'accord. Vas-y. Enfin, on t'écoute. Et est la suivante. Vamos fazer amor, querida. Et elle dit. Não, hoje não, dói-me a cabeça. E ele, é melhor, pois é, porque hoje já fiz com a vizinha. O quê? Senhora, não grites tanto se te dói a cabeça. Ça c'est Lionel, ça. Voilà, c'était pour terminer l'émission. Voilà une petite anecdote de Lionel. On sait très bien que toutes les anecdotes et les devinettes de Lionel sont très très bien. Ils sont voilà, c'est faut prendre ça à la rigolade. Et donc voilà, il est quand même déjà 18h44 sur Radio Arc-en-Ciel. Et ça passe vite. Et ça, je t'avoue avec qu'aujourd'hui, nos auditeurs, ça passe très vite. Hein, parce que... Aujourd'hui, ça part en temps normal, ça va. Je veux pas dire que je m'ennuie en temps normal, mais quand on est à deux personnes, c'est vrai que c'est toujours mieux parce qu'il y en a un qui répond au téléphone. Il y a toujours un petit échange. Voilà. Mais il y a moins de musique. Nos auditeurs, il y en a qui vont peut-être pas être contents. Bah, ils nous le diront. À la rigueur, ils peuvent nous appeler pour nous dire est-ce qu'ils préfèrent qu'il y ait que de la musique. Mais non, je pense que de la musique, c'est monotone aussi, quoi. Faut aussi pas trop parler, mais un juste milieu. Et justement, là, on va continuer avec une chanson de Franz Correia Marques et Linda Neto, Robô au meu coração. On écoute. Deixa de ser abusado, que eu estou a trabalhar. Sou uma mulher fardada, e se não for respeitada, vou ter que o autuar. Que mulher tão imponente, mas eu sei que é boa gente, tem um pouco de malícia. Não me importo nada, não, de ir já para a prisão com uma mulher polícia. Esse cidadão, vou ter que o algemar. Que mulherão, ai, até me falta o ar. Meu cidadão, venha comigo para as quadras. Serei ladrão, vou roubar seu coração para não voltar mais para casa. Meu cidadão, vou ter que o algemar. Que mulherão, ai, até me falta o ar. Meu cidadão, venha comigo para as quadras. Serei ladrão, vou roubar seu coração para não voltar mais para casa. Senhor, tenha cuidado, estou em hora de trabalho, não me interessa o seu glamour. Porte-se bem, eu lhe peço, ou ponho-lhe um processo de atentado ao pudor. Que mulher tão imponente, mas eu sei que é boa gente, tem um pouco de malícia. Não me importo nada, não, de ir já para a prisão com uma mulher polícia. Meu cidadão, vou ter que o algemar. Mulherão, ai, até me falta o ar. Meu cidadão, venha comigo para as quadras. Serei ladrão, vou roubar seu coração para não voltar mais para casa. Meu cidadão, vou ter que o algemar. Que mulherão, ai, até me falta o ar. Meu cidadão, venha comigo para as quadras. Serei ladrão, vou roubar seu coração para não voltar mais para casa. Até me falta o ar. Meu cidadão, venha comigo para as quadras. Serei ladrão, vou roubar seu coração para não voltar mais para casa. Meu cidadão, vou ter que o algemar. Que mulherão, ai, até me falta o ar. Meu cidadão, venha comigo para as quadras. ladrão, vou roubar seu coração pra não voltar mais pra casa. Meu cidadão, vou ter que o algemar. Que mulherão, ai, até me falta o lar. Meu cidadão, venha comigo pra esquadra. Serei ladrão, vou roubar seu coração pra não voltar mais pra casa. Serei ladrão, vou roubar seu coração pra não voltar mais pra casa. Bom, bom, bom, bombástico tu és. Bom, bom, bom, bombástica eu sou. Ai, ai, ai, se a gente se entender, somos alquimistas de uma bomba de amor. Bom, bom, bom, bombástico tu és. Pelo planeta, quando unirmos nossos corações e sentirmos um em vez de dois, vai ser o beijo que nós dermos, vai se escutar no mundo inteiro. Quando o corpo e alma for um só, todos querem fazer como nós. Bom, bom, bom, bombástico tu és. Bom, bom, bom, bombástica eu sou. chegarmos, fechamos quando saímos. Se chegar e não estiver, já fechamos ou não abrimos. No meu estabelecimento, o cliente tem razão. Então diga, menina, vai já para a preparação. Queres o café curtinho ou cheio? O açúcar levas no pacote. Na cafeteira sai mais fraquinho. No coador é mais forte. Queres o café curtinho ou cheio? O açúcar levas no pacote. Na cafeteira sai mais fraquinho. No coador é mais forte. Pastelaria tradicional, mas o café é sensação. De manhã até faz fila para beber um cafezinho. A menina faz o pedido e eu digo com carinho. Queres um café curtinho ou cheio? O açúcar levas no pacote. Na cafeteira sai mais fraquinho. No coador é mais forte. Queres um café curtinho ou cheio? Qui nous habite sous un négocio. Et voilà, il est 18h56 sur Radio Arc-en-Ciel. Donc voilà, pour ma part, l'émission arrive à sa fin. Moi, je vous donne rendez-vous vendredi prochain à la même heure, de 17h à 19h. Mais on va terminer avec une chanson de Christiane Assa, Sou do Norte. Et voilà, comme je vous disais dans mon émission, Christiane Assa qui sera avec l'association Os Minhotos de la Chapelle Saint-Mémin demain à la salle des fêtes de la Chapelle Saint-Mémin. Donc venez nombreux, venez aider l'association. Voilà, et il va y avoir plein de trucs. Voilà, il y aura Orange. C'est, alors je connais pas trop le voilà ce type de, je peux pas vous expliquer trop, mais je pense que Asgard, il y aura tout ça. Donc à partir de 20h à la salle des fêtes de la Chapelle Saint-Mémin, et en soirée, plus tard dans la soirée, on retrouvera Christiane Assa qui sera là avec bien sûr son accordéon. Donc on termine sur cette chanson là, Sou do Norte. Nasci nas terras do Minho, filha do Rio e Et oui, c'était Christiane Assa, Sceaux du Nord. Donc, Christiane Assa, demain, elle sera à la chapelle Saint-Mémin, à la salle des fêtes de la chapelle Saint-Mémin, avec l'association Ose Mignotte. Donc, réservez votre journée pour demain à partir de 20h. Vous pouvez vous restaurer sur place. Et donc, moi, pour ma part, je vous dis à vendredi prochain, à la même heure, de 17h à 19h. En attendant, je vous souhaite un bon week-end à tous. O Rancho Folclórico Os Minhotos de La Chapelle Saint-Mémin organise une grande soirée portugaise le samedi 12 octobre 2024 à partir de 20h. Participation de groupes de rusgas, Os Minhotos de La Chapelle Saint-Mémin, Vin de Roche de Paris, Coração de Portugal de Saint-Pierre-des-Corps. Entrée 10 euros, gratuit pour les moins de 10 ans. Avec la grande artiste venue du Portugal, Christiane Sá, e os cantares ao desafio com Augusto Moreira. Sur place, spécialité portugaise et buvette, tombola avec beaucoup de lots à gagner. Mais n'oubliez pas, le samedi 12 octobre 2024 à partir de 20h, espace Berrère, 12 rue Nationale à La Chapelle Saint-Mémin. Une organisation au Rancho Folclórico Os Minhotos de La Chapelle Saint-Mémin. Venez nombreux ?